إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. On continue donc la lecture de l'épître de l'imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, intitulée « Leçon importante pour toute la communauté ». Nous en sommes aujourd'hui à la leçon 10, dans laquelle l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous a exposé les sunan de la prière. Donc vous avez en note de bas de page, « sunan » est en arabe le pluriel de « sunnah » et désigne ici ce qui est recommandé dans la prière. Donc ce qui est visé ici, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans la prière, mais qui n'est pas obligatoire pour le musulman. C'est-à-dire que si tu délaisses ces choses volontairement ou bien par oubli, alors tu n'as pas de péché et ta prière est valide, incha'Allah ta'ala. Toutefois, le musulman ne doit pas se priver lui-même de ses récompenses. Et bien comprendre que lorsqu'il apprend qu'une chose est recommandée, alors ce qui est attendu de lui, c'est qu'il accomplisse cette chose. Et qu'ils suivent en cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notamment en ce qui concerne la prière, étant donné la généralité de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque le serviteur accomplit une prière, il n'en obtient que le dixième, c'est-à-dire en termes de récompense. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam « Le neuvième, le huitième, le septième, le sixième, le cinquième, le quart, le tiers ou la moitié. » On comprend donc de cela que les prières ne sont pas tous égaux en termes de récompenses, et que certains ont des récompenses plus grandes que d'autres. Il est donc important pour nous, afin de compléter et de perfectionner nos prières, d'apprendre, tout d'abord ce que l'on a vu dans les leçons précédentes, parmi les conditions, les piliers et les obligations qui sont impératifs, mais aussi ce qui est recommandé dans cette prière, et ce, afin d'obtenir une récompense plus grande de nos prières. Et il est important de comprendre cela, car certaines personnes, malheureusement aujourd'hui, comprennent mal les choses, et lorsqu'on leur dit qu'une chose est recommandée, ils comprennent alors qu'il faut la délaisser. Lorsque l'on dit que tu n'as pas de péché si tu la délaisses, ceci n'est pas un encouragement à délaisser cette chose. Au contraire, il est attendu du musulman qu'il multiplie les efforts après ses obligations dans l'accomplissement de ce qui est recommandé. Et qu'il ne néglige pas cela. Car comme vous le savez, chaque œuvre que tu accomplis, aussi moindre soit-elle, tu la retrouveras auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ces choses, l'importance de savoir qu'elles sont recommandées, cela te permet de distinguer entre elles et les obligations et les piliers. Ainsi, s'il t'arrive dans une prière d'oublier une de ces choses, tu sauras que ta prière est valide et qu'il n'y a pas de gêne en cela. Toutefois, de manière générale, tu vas faire des efforts pour être assidu à ces choses recommandées, et ce, afin d'augmenter la récompense que tu obtiendras de tes prières, bi'idhnillahi ta'ala. Le shaykh, rahimahullah ta'ala, a donc dit, parmi les choses recommandées durant la prière, il y a, premièrement, l'invocation d'ouverture. L'invocation d'ouverture, elle est appelée ainsi, car c'est la première chose que tu vas prononcer dans ta prière, après le takbir de sacralisation, après avoir dit Allahu Akbar et être entré en prière. Tu vas ouvrir ta prière par cette invocation. Et il y a différentes formules qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette invocation. Il est donc recommandé pour nous de faire des efforts afin d'apprendre ces différentes formules de l'invocation d'ouverture et de pouvoir les prononcer de manière aléatoire dans nos prières. Et la preuve concernant cette invocation, c'est notamment le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum allahu ta'ala d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui a dit qu'il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il prononçait dans son moment de silence entre le takbir et la récitation. Donc on voit ici qu'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il a remarqué ce moment de silence que tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir prononcé le premier takbir pour entrer en prière et avant de commencer à réciter la Fatiha. Alors ceci a attiré son attention. Il est donc parti interroger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Donc on voit à travers cela le désir qu'avaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum d'apprendre la science afin de pouvoir la mettre en pratique et de suivre ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure manière. Ce petit silence, il l'a remarqué, il est parti interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit également à travers cela que la religion, elle nous a été transmise de manière complète. Et que cette religion est parfaite et qu'il ne nous manque rien en termes de législation. En effet, regardez un simple silence, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils l'ont remarqué, ils ont interrogé à ce sujet. Donc tout ce qui est profitable pour nous de connaître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons, ou alors ils ont interrogé à ce sujet. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enseigné une des invocations d'ouverture à prononcer en prière, qui est la suivante. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai, kama ba'adta bayna al-mashariq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayai, kama yunaqqa al-thawb al-abyad min al-danas. Allahumma ghsilni min khatayai, bil-mahi wal-thalj wal-barad. Ô Allah, éloigne entre moi et mes mauvaises actions, comme tu as éloigné le levant du couchant. Ô Allah, purifie-moi de mes mauvaises actions, comme on purifie le vêtement blanc de l'impureté. Ô Allah, lave-moi de mes mauvaises actions avec l'eau, la grêle et la neige. Donc cette invocation nous est rapportée par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Également parmi les invocations que l'on peut prononcer au commencement de la prière, il y a Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et il y a d'autres invocations que vous pouvez retrouver dans le livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala au chapitre de l'invocation d'ouverture. Donc ces invocations, comme on a dit, elles sont recommandées. Si tu ne la prononces pas dans ta prière est valide inshallah ta'ala. Et la sunna est de prononcer l'une de ces invocations de manière aléatoire dans tes prières. C'est-à-dire que dans une prière, tu vas prononcer cette invocation, dans l'autre, tu vas prononcer la seconde invocation et ainsi de suite. Le musulman fait donc des efforts pour mémoriser ses invocations et perfectionner ainsi sa prière suivant ainsi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose recommandée durant la prière est de mettre la main droite sur la main gauche et les poser sur la poitrine lors de la station debout, avant et après l'inclination. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il attire ici notre attention sur la position des mains lors de la station debout en prière. Il nous dit que l'on pose la main droite sur la main gauche. Et il est rapporté que tu poses en même temps ta main droite sur ta main gauche, sur ton poignet et sur ton avant-bras. Et ces deux mains ensuite, tu les poses où? Tu les poses sur ta poitrine. Et ce, d'après les différents hadiths rapportés à ce sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, posait sa main droite sur sa main gauche, c'est-à-dire en prière. Et dans un autre hadith authentique, il a dit, « Nous, les prophètes, il nous a été ordonné de nous empresser, de rompre le jeûne, de retarder le sahur et de poser nos mains droites sur nos mains gauches durant la prière. » Et il est rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il posait ses mains sur la poitrine. Ceci est donc la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une chose recommandée. Et concernant la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit avant et après l'inclination, tel est l'avis qu'a soutenu le shaykh ici, rahimahullah ta'ala, que la position des mains, elle est la même lors de la récitation que durant la deuxième station debout après l'inclination. Et cette question est sujette à divergence entre les gens de science. D'autres ont dit que tu ne poses tes mains sur ta poitrine que durant la première station debout, lors de la récitation. Mais lorsque tu te relèves de l'inclination, alors tu laisses tes mains le long du corps. Et ceci est une question qui est large et sur laquelle il convient de faire preuve de souplesse. Comme l'a mentionné l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été questionné à ce sujet, lorsqu'on lui a demandé où le prieur doit-il poser ses mains après s'être relevé de l'inclination. Il répondit alors, s'il veut, il les remet sur la poitrine, et s'il veut, il les laisse le long du corps. Donc ces questions, elles font partie des questions au sujet desquelles la divergence est admise, car elle est liée à un effort d'interprétation et de compréhension des textes. Et les savants ne font pas de ces questions des causes de discorde et de division entre les musulmans. Il se peut que tu pries d'une certaine manière, et qu'à côté de toi, ton frère prie d'une autre manière, et que tous deux, vous suiviez en cela un avis parmi les avis des gens de science, parmi les gens de la sunna. Et il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala, sur ce genre de questions au sujet desquels la divergence est admise. La troisième chose recommandée durant la prière, il nous dit, rahimahullah, lever les mains, les doigts tendus à hauteur des épaules ou des oreilles, lors du premier takbir, lors de l'inclination, lorsqu'on s'en relève, lorsqu'on se lève pour la troisième unité après le premier tashahhud. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il nous mentionne les quatre moments durant lesquels il est recommandé de lever les mains durant chaque prière. Il nous dit le premier moment, c'est lors du premier takbir. Ensuite, lors de l'inclination, lorsque tu pars en inclination. Lorsqu'on s'en relève, lorsque tu dis « Sami Allahu liman hamida », que tu te relèves de l'inclination, tu lèves également tes mains. Et lorsqu'on se lève pour la troisième unité après le premier tashahhud. Ces quatre moments, ce sont les moments durant lesquels il est recommandé de lever les mains durant chaque prière. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné la manière recommandée de lever les mains. Il dit lever les mains les doigts tendus à hauteur des épaules ou des oreilles. C'est-à-dire qu'il est légiféré de lever parfois ses mains à hauteur des épaules et parfois à hauteur des lobes des oreilles comme il est venu dans les hadiths nous décrivant la manière de lever les mains. Tout en sachant que tu dois lever les mains en tenant tes paumes, les paumes de tes mains, en direction de la Qibla. Non pas comme certaines personnes le font qui lèvent leurs mains avec les paumes dirigées vers le sol. Mais tu tiens bien tes mains droites avec les paumes de tes mains en direction de la Qibla, les doigts tendus, ni serrés ni joints, et tu les mets parfois à hauteur de tes épaules et parfois à hauteur des lobes des oreilles. Et lorsqu'on dit à hauteur des lobes des oreilles, cela ne veut pas dire qu'on va toucher les lobes des oreilles avec nos mains. Mais c'est simplement que les mains sont au niveau des lobes des oreilles en termes de hauteur, et non pas à côté ou derrière les lobes des oreilles comme le font certaines personnes. La quatrième chose qui est recommandée dans la prière, c'est de prononcer le tasbih plus d'une fois durant l'inclination et la prosternation. On a vu dans le cours concernant les obligations de la prière qu'il est obligatoire lors de l'inclination de dire une fois « Subhana Rabbi al-Azim » et durant la prosternation, il est obligatoire de dire une fois « Subhana Rabbi al-A'la ». Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ici qu'il est recommandé de le prononcer plus d'une fois. Comme on l'a mentionné, l'obligation c'est de le prononcer une fois. Le minimum de la perfection est que tu le prononces trois fois. Et le mieux est de le prononcer une dizaine de fois, comme l'ont mentionné les gens de science, rahimahumullah ta'ala. La cinquième chose recommandée durant la prière, il dit rahimahullah, ce qui est dit en plus de Rabbana wa lakal hamd. Notre Seigneur, à toi les louanges, après s'être relevé de l'inclination, ainsi que le fait d'implorer le pardon plus d'une fois entre les deux prosternations. On a vu dans le cours sur les obligations de la prière qu'il est obligatoire, après t'être relevé de l'inclination, de dire Rabbana wa lakal hamd. Et ceci est une obligation aussi bien pour celui qui prie seul que pour l'imam et celui qui prie derrière lui. Donc si tu prononces cette parole, tu as prononcé ce qui est obligatoire. Et il est recommandé d'ajouter à cela. Comme en disant Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alay kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ou d'autres formules de rappel d'Allah qui nous sont rapportées authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est recommandé, n'est pas obligatoire, cela te permet d'augmenter les récompenses que tu obtiens de ta prière. Également, il nous dit, rahimahullah ta'ala, ainsi que le fait d'implorer le pardon plus d'une fois entre les deux prosternations. Lors de l'assise entre les deux prosternations, il est légiféré de dire « Rabbighfirli ». Et ce qui est obligatoire, c'est de le prononcer une fois. Et il est recommandé de le prononcer plus que cela en répétant cette parole « Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli ». Ou alors, de prononcer d'autres formules qui nous sont rapportées comme « Rabbighfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni ». Ainsi que d'autres manières d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci est recommandé. Mais l'obligation est de dire Rabbighfirli au moins une fois. La sixième chose est d'aligner sa tête avec son dos durant l'inclination. Donc lorsque tu t'inclines, on a vu qu'il était légiféré de poser ses mains sur ses genoux. Tu empoignes tes genoux avec tes mains. Et la sunna, afin de perfectionner ton inclination, et que ta tête soit alignée avec ton dos. C'est-à-dire que tu ne relèves pas la tête en la mettant en arrière, la dirigeant vers ton dos, et tu ne la baisses pas non plus, de sorte à la diriger vers ta poitrine. Mais tu la tiens droite, alignée avec ton dos. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait son dos tellement droit durant l'inclination que si on aurait versé de l'eau dessus, elle n'aurait pas coulé. C'est-à-dire qu'elle serait restée sur son dos tellement il était droit sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc la manière complète de s'incliner et qui est recommandé durant la prière. Septièmement, il dit, rahimahullah, écarter ses bras de son corps, ainsi que son ventre de ses cuisses et ses cuisses de ses jambes durant la prosternation. Donc ici, il nous a mentionné trois choses qui concernent la prosternation. La première est d'écarter tes bras de ton corps. Donc lorsque tu te prosternes, tu ne laisses pas tes coudes collés à tes côtes, mais tes bras, tu les ouvres afin de les écarter de tes côtes. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait tellement ses bras de ses côtes durant la prière que l'on pouvait voir de derrière lui la blancheur de ses aisselles. Et bien sûr, ceci est recommandé seulement dans le cas où tu ne gênes personne à côté de toi. Car si tu pries en groupe, qu'il y a quelqu'un à ta droite et à ta gauche, que les rangs sont serrés, et qu'en écartant les coudes, tu vas déranger tes voisins de prière, alors dans ce cas-là, il est préférable de garder tes coudes à côté de tes côtes. Et ce, afin de repousser cette nuisance et de ne pas déranger ceux qui sont à côté de toi en prière. La deuxième chose qu'il nous mentionne, c'est d'écarter ton ventre de tes cuisses et tes cuisses de tes jambes. Donc ce qui est visé par les jambes ici, c'est d'écarter tes cuisses de tes mollets. C'est-à-dire que lorsque tu te prosternes, tu ne dois pas te recroqueviller sur toi-même, mais tu écartes ton ventre de tes cuisses afin de ne pas être trop serré, et tu relèves tes cuisses, tu ne les laisses pas coller à tes mollets. Ceci est donc la manière recommandée de se prosterner. Et ceci concerne aussi bien les hommes que les femmes. Car la base est qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, sauf si une preuve vient nous indiquer qu'une chose est spécifique aux uns ou aux autres. La huitième chose qui est recommandée durant la prière est d'écarter ses bras du sol durant la prosternation. Et ce, car il n'est pas légiféré pour le prieur de poser ses coudes sur le sol. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire cela comme cela est rapporté de manière authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne pose pas ses avant-bras sur le sol à la manière du chien. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. On voit donc que c'est une erreur que font certains prieurs, qui est de poser leurs coudes sur le sol lorsqu'ils sont en prosternation. Mais on a vu que la prosternation, elle ne se fait que sur sept membres. Le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds. Quant aux coudes, il ne doit pas toucher le sol. Tu dois donc écarter tes bras du sol lorsque tu es en prosternation. La neuvième chose qui est recommandée durant la prière est de s'asseoir sur son pied gauche en l'allongeant sur le sol tout en dressant son pied droit durant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous décrit ici la manière recommandée de s'asseoir durant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Et cette manière est également légiférée lors de l'assise que l'on appelle l'assise de repos, qui est celle que l'on fait avant de se relever pour la deuxième ou la quatrième unité de prière. Donc cette manière de s'asseoir, elle consiste, comme il a dit, à t'asseoir sur ton pied gauche. C'est-à-dire que tu vas poser ton poids sur ton pied gauche et tu vas tenir ton pied allongé sur le sol. C'est-à-dire que le dessus de ton pied, il va toucher le sol. Quant à ton pied droit, tu le dresses, c'est-à-dire que tu le tiens perpendiculaire au sol. Et ce, en dirigeant tes orteils en direction de la Qibla. Tu es donc assis sur ton pied gauche et ton pied droit est perpendiculaire au sol avec tes orteils en direction de la Qibla. Ceci est l'assise que l'on appelle Jalsatul Iftirash, l'assise d'El Iftirash, qui est légiférée pour le premier tashahhud, ainsi que pour l'assise entre les deux prosternations, et comme on l'a dit également, lors de l'assise de repos. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne la dixième chose recommandée, et qui est l'assise légiférée durant le dernier tashahhud, lorsqu'il y en a deux. Il dit rahimahullah, dixièmement, le tawarruk, durant le dernier des tashahhuds des prières, à trois ou à quatre unités. Donc retenez bien que cette assise, elle ne concerne que les prières à trois ou à quatre unités, c'est-à-dire les prières dans lesquelles tu vas faire deux tashahhud, comme la prière du dhuhr, du asar, du maghrib et du isha. Quant à la prière du fajr, elle ne contient qu'un seul tashahhud. Donc dans celle-ci, dans les prières à un seul tashahhud, les prières à deux unités, l'assise légiférée est celle que l'on a vue dans le neuvième point, Jalsat al-Iftirash, de s'asseoir sur son pied gauche en allongeant sur le sol, tout en dressant son pied droit. Quant au tawarruk, il n'est légiféré que dans les prières à deux tashahhud, dans le dernier des tashahhud, pour les prières à trois ou quatre unités. Et il nous décrit cette assise en disant, rahimahullah, cela consiste à s'asseoir sur son postérieur gauche, en faisant passer son pied gauche sous sa jambe droite, tout en dressant son pied droit. Donc c'est assez difficile à décrire à l'oral, mais j'espère pouvoir vous faire comprendre la manière correcte de s'asseoir, inshallah ta'ala. Le prieur doit donc poser son postérieur gauche sur le sol, c'est-à-dire que contrairement à la première assise, où on s'asseyait sur le pied ici, tu te poses directement sur le sol. Ton pied gauche, tu le glisses sous ta jambe droite, c'est-à-dire que tu le fais passer sous ta jambe droite et tu le tiens allongé sur le sol. Quant à ton pied droit, alors tu le dresses sur le sol, les orteils dirigés vers la qibla, comme pour l'autre assise. Donc la différence entre ces deux assises, c'est la position de ton pied gauche. Dans la première assise pour le premier teshahhud, ton pied gauche, tu es assis dessus. Ici, tu le glisses sous ta jambe droite. C'est ça la différence entre ces deux assises. Dans la première assise, tu es assis sur ton pied gauche, et dans la deuxième assise, tu es assis sur ton postérieur gauche et ton pied gauche passe sous ta jambe droite. Et ceci est la position recommandée, comme on a dit, lors du deuxième teshahhud pour les prières à deux teshahhud, à trois ou quatre unités. Onzièmement, il dit, rahimahullah, tenir son index droit durant le premier et le deuxième teshahhud, à partir du moment où l'on s'assied jusqu'à la fin du teshahhud, et le bouger lors des invocations. Ceci également fait partie de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Que tu tiennes ton index droit durant le teshahhud, que ce soit le premier ou le deuxième. Et il n'y a pas de différence en cela entre le premier ou le dernier teshahhud. Donc dès que tu t'assois, tu fermes les doigts de ta main droite, à l'exception de l'index que tu pointes vers la qibla. Et la sunna à ce moment, c'est que tu fixes du regard ton index, la base lorsque tu pries, et que tu regardes l'endroit où tu te prosternes. Sauf durant le teshahhud. Durant le teshahhud, la sunna est que tu fixes du regard ton index. Donc tu fermes l'ensemble de tes doigts à l'exception de ton index. Et ensuite, il y a deux manières légiférées qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre ta main droite durant le teshahhud. Ou bien, tu fermes l'ensemble de tes doigts et tu poses ton pouce sur ton majeur. Tu fermes ton poing, sauf l'index, que tu tiens droit en direction de la qibla, et tu poses ton pouce sur ton majeur. Ceci est la première manière légiférée. Et la deuxième manière, c'est que tu formes un cercle avec ton pouce et ton majeur. Donc tu tiens ton avant-bras sur ta cuisse droite, ton index est dirigé vers la qibla, et avec ton pouce et ton majeur, tu formes un cercle. Quant aux deux autres doigts, tu les gardes fermés. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, et le bouger lors des invocations. Les savants ont divergé sur la question du fait de bouger ou non le doigt durant le tashahhud. Certains ont dit que l'on ne le bougeait pas du tout, et qu'il suffit de le pointer en direction de la qibla. D'autres ont dit qu'on le bougeait du début à la fin. Et d'autres ont dit que l'on ne bougeait qu'à certains moments durant le teshahhud. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a dit « La sunna est de garder l'index pointé et en mouvement jusqu'aux salutations finales. » C'est-à-dire qu'à partir du début du teshahhud, jusqu'aux salutations finales, tu gardes ton index pointé en direction de la qibla et en mouvement. Et ce mouvement, il nous a été décrit comme étant un mouvement léger, de haut en bas, et non pas de grands mouvements du doigt, comme on peut l'observer chez certains prieurs. Et cette question également, elle fait partie des questions qui, comme on a dit, sont sujettes à divergence et au sujet desquelles la divergence est admise, et qui ne doivent pas être cause de discorde et de divergence ou de division entre les musulmans. Il se peut que tu pries à côté de certaines personnes qui ne bougent pas du tout le doigt. Et il se peut que tu pries à côté de certaines personnes qui bougent le doigt du début à la fin. D'autres qui vont bouger le doigt seulement à certains moments. D'autres qui vont bouger le doigt de haut en bas, et d'autres encore qui vont bouger le doigt de droite à gauche, et tout ceci sont des avis existants chez les savants parmi les savants, des gens de la sunna. Le musulman, il ne doit donc pas faire de ces questions des causes de discorde et de divergence avec ses frères et sœurs. Et vous avez entendu la parole de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, et vous pouvez revenir à son livre sur la description de la prière, dans lequel il a détaillé un peu plus cette question. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit douzièmement, la prière sur Mohammed et la famille de Mohammed, ainsi que sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim, et l'imploration de la bénédiction en leur faveur lors du premier tashahhud. On a vu dans la dernière leçon que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un pilier de la prière lors du dernier tashahhud. Toutefois, lors du premier tashahhud, lorsque la prière contient plusieurs tashahhud, on a vu que cela est recommandé. Il est donc recommandé lors du premier tashahhud que tu prononces également ce qu'on appelle salat al-Ibrahimiyya, de la même manière que tu la prononces lors du dernier tashahhud. Et si tu ne la prononces pas, alors il n'y a pas de gêne en cela, car cela est seulement recommandé. Donc si tu pries derrière un imam qui ne la prononce pas, mais qui prononce simplement le tashahhud, alors une fois qu'il prononce le takbir et se lève pour la troisième unité, tu te lèves également en le suivant. Et tu ne restes pas assis pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le suivi de l'imam est une obligation, Quant à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du premier tashahhud, c'est seulement quelque chose de recommandé. Ensuite, il dit treizièmement, l'invocation lors du dernier tashahhud. Ceci également fait partie des choses recommandées en prière, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'après avoir cherché refuge contre les quatre, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et contre la tentation du faux messie, alors que le prieur choisisse parmi les invocations ce qu'il veut. Et on a vu ce point en détail lors de la leçon 9, et vous pouvez trouver certaines de ces invocations à la page 27 de ce livre, et vous pouvez revenir, inshallah, revenir au cours précédent pour ceux qui n'étaient pas là et qui veulent plus de détails. Ensuite, il dit, rahimahullah, quatorzièmement, réciter à voix haute dans la prière de Fajr, la prière du vendredi, la prière des deux fêtes, la prière de demande de pluie et dans les deux premières unités des prières de Maghrib et Isha. On voit donc à travers la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, que la récitation à voix haute dans ces prières, c'est quelque chose de recommandé et qui n'est pas obligatoire. Donc si une personne oublie de réciter à voix haute, ou alors, en ce qui concerne la femme, si elle se trouve dans un endroit où des hommes étrangers peuvent l'entendre, elle va alors réciter à voix basse, même si c'est la prière du Fajr ou du Maghreb ou de l'Isha, et ce afin de se préserver. Et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Car la lecture à voix haute dans ces prières, elle est recommandée, elle n'est pas obligatoire. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit, le fait de lire à voix haute ou à voix basse dans les moments où cela est légiféré, alors il y a unanimité quant au fait que cela est recommandé. Il y a unanimité quant au fait que cela est recommandé, que cela n'est pas une obligation. Ensuite, il dit quinzièmement, réciter à voix basse dans les prières de Dhuhr et Asr, dans la troisième unité de Maghreb et dans les deux dernières de Isha. Donc comme on a dit, ceci fait partie également des choses qui sont recommandées, qui nous ont été transmises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita à voix basse dans ses prières, c'est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumullahu ta'ala, d'après Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu, qui dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ses prières, qu'il leur faisait entendre un verset de temps à autre. C'est-à-dire que lors de la prière du Dhuhr et de l'Asr, il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire entendre à ses compagnons un verset de temps à autre. C'est-à-dire qu'il élevait la voix lors de la récitation d'un verset. Ceci fait partie de la sunnah. Et s'il élevait la voix pour un verset de temps à autre, cela signifie que pour le reste, il récitait à voix basse et ne récitait pas à voix haute dans ses prières. Ensuite, il dit 16e, la récitation après la Fatiha. On a vu que surat al-Fatiha fait partie des piliers de la prière. Que cela soit pour celui qui prie seul, pour l'imam, et même pour celui qui prie derrière lui. Et il n'y a pas de différence en cela entre les prières à voix haute ou à voix basse. Quant à la récitation après surat al-Fatiha, alors celle-ci est recommandée, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu t'inclines après avoir récité surat al-Fatiha, par oubli ou par erreur, alors ta prière est valide, inshallah ta'ala, il n'y a pas de gêne en cela. De la même manière, celui qui ne connaît que surat al-Fatiha, alors sa prière est valide et il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, nous dit à ce sujet que la récitation d'une surat après surat al-Fatiha est recommandée dans les deux premières unités de toute prière, puis il dit, rahimahullah, et nous ne connaissons pas de divergence à ce sujet. Donc dans les deux premières unités de toute prière, il est recommandé de réciter après surat al-Fatiha ou bien une autre surat ou bien quelques versets du Coran, ce qui était possible du Coran. Et ceci concerne seulement les deux premières unités de chaque prière. Quant aux autres unités de prière, la troisième ou la quatrième, alors la base est qu'il n'est pas légiféré de réciter, à l'exception des prières du Dhuhr et de Asr, dans lesquelles il est légiféré, et il fait partie de la sunna, de réciter également une autre surat dans les troisième et quatrième unités. Et pour plus de détails à ce sujet, je vous renvoie au livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière, dans laquelle il a mentionné en détail ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans chaque unité de prière, et ce, pour les cinq prières, le Fajr, le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha. Il a mentionné cela en détail, rahimahullah ta'ala. Vous pouvez donc revenir au livre, et également au cours que j'ai donné dans la lecture et l'explication de ce livre que vous pouvez trouver sur le site nasiha.com. Enfin, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, il convient aussi d'observer ce qui est rapporté et que nous n'avons pas mentionné. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il attire notre attention qu'ici il n'a pas mentionné tout ce qui est recommandé dans la prière. Mais si on médite sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on verra qu'il y a bien d'autres choses qui sont recommandées durant la prière. Toutefois, ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici fait partie des choses les plus importantes. Mais il y en a d'autres et il dit comme ce qui est dit en plus de Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur à toi les louanges, après s'être relevé de l'inclination, aussi bien pour celui qui prie seul que pour l'imam et celui qui prie derrière lui. Donc ceci est le cheikh rahimahullah ta'ala en réalité, il l'a mentionné dans le cinquième point. Mais peut-être qu'il l'a ajouté ici afin d'insister sur le fait que ceci est recommandé aussi bien pour celui qui prie seul que pour l'imam et celui qui prie derrière lui. Puis il dit, rahimahullah, poser ses mains sur ses genoux en écartant ses doigts durant l'inclination. C'est-à-dire que lorsque tu t'inclines, tu poses tes mains sur tes genoux en ayant tes doigts écartés, et non pas joints et serrés les uns aux autres. Mais ils sont écartés et tu empoignes tes genoux avec tes mains. Et bien d'autres choses qui sont recommandées durant la prière. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, et on verra dans le prochain cours la leçon 11 concernant ce qui annule la prière. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.